Natus de face, mec. Ouais, surfing. Manger des démons. Mise au point d'abord tout cet humain, tout ce qu'ils ont au point de donner un coup de poing. Et le lendemain, c'est une belle poignée de main. Enfin, tu vois dans Jadémon, y'a rien. Y'a des jours, tout va bien. T'as le smiley, t'as bien rêvé. Tu t'es fait du bon pied. Et d'autres, c'est relou, tout est chelou. Les gens sont lourds, tu leur briserais le cou. Oh, mec, j'ai la tête dans le cul. Fais pas chier ou je te calcule plus. Fatigue démoniaque et marre de tout. J'ai l'impression de voir le mal partout. Bah ouais, j'ai mal partout. Car tout se barre en couille, la vie c'est pas un cartoon. J'irai peut-être mieux comme mon scotra sur iTunes. Hein, pour l'instant, c'est net, y'a pas de thune. Ma vie, une bite qui perd plaisir et qui part en couille sans réfléchir. Alors un coup, j'espère d'ange. Après, je suis démon qui dérange. Ma vie, une bite qui perd plaisir et qui part en couille sans réfléchir. Alors un coup, j'espère d'ange. Après, je suis démon qui dérange. J'ai ces deux côtés en contradiction. Ce qui m'a coûté de lourdes additions. Ne pas prendre de décision quand tes armes. J'sais ce que c'est, ça vire au cauchemar. C'est la misère, le mal se réitère. En un coup de morsure, t'es une vipère. Parce que tu vois, moi-même je m'y perds. Donc je me permets de laisser une part mystère. Car la vie n'est qu'une entrée avec sortie. Net c'est mourir, on me l'a toujours dit. Alors aujourd'hui, j'fais espoir de vivre. Le démon s'installe, me rendant ivre. Même le sexe, je m'en bats les couilles. Envie de partir, caresser, de prendre des coups. Du coup, plus courage d'être ce mec qu'un. Putain, c'est en ce que je suis, des fois, je pars bien loin. Ma vie, une bite qui perd plaisir et qui part en couille sans réfléchir. Alors un coup, j'espère d'ange. Après, je suis démon qui dérange. Ma vie, une bite qui perd plaisir et qui part en couille sans réfléchir. Alors un coup, j'espère d'ange. Après, je suis démon qui dérange. Des fois, je suis ce mec froid qui aime les choses, pas forcément macho, mais qui n'aime pas ces choses. Je le dis à chaud, le diable part très longtemps. Heureusement que des fois revient le printemps. Ouais, la morale, c'est que comme le temps, les saisons nous changeons de comportement. De tempérament, comment dire autrement. Tout changer des mots à n'importe quel moment. En y repensant, a-t-il c'est un jour fautif. Relatif à des instants, des fois émotifs. Pour divers motifs, c'est un leitmotiv. C'est de cette façon que se construit nos vies. Alors aujourd'hui finit ce cœur d'artichaut. Car entièrement brûlé et archi chaud. La douleur m'a fait démon et l'amour ange. Car les problèmes on s'en mange, rien ne s'arrange. Ma vie, une bite qui perd plaisir et qui part en couille sans réfléchir. Alors un coup, j'espère d'ange. Après je suis démon qui dérange. Ma vie, une bite qui perd plaisir et qui part en couille sans réfléchir. Alors un coup, j'espère d'ange. Après je suis démon qui dérange.